بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل أجرع ملية أكرمكم الله في ذكره، فصار إذا جمع زوجته لا ينزل في نفس الوقت، ويقول أحتلم أحيانا في الليل، ويقول لا أدري هل أنزل أم لا، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ هذا السؤال الخلاصة أن ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله: celui qui a des rapports avec sa femme ولم ينزل. الإنزال c'est l'éjaculation. Il a des rapports لكن il éjacule pas. Est-ce qu'il doit faire le ghusl أم لا؟ Et هذا c'est un سؤال طيب، لأن بعض الناس ils pensent que الغسل من الجنابة c'est quand الإنسان il éjacule فقط. شيخ ابن عثيمين قال رحمه الله: أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضا. Donc ça concerne les deux. أولا، quand l'homme il a des rapports avec sa femme, l'homme il doit faire le ghusl et la femme كذلك. الغسل c'est le fait de se laver. سواء أنزل أم لم ينزل. Donc ça nous montre que الغسل, le fait de se laver, ça devient obligatoire quand l'homme il a eu des rapports avec sa femme. Et le fait qu'il y ait eu pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation, al-ghusl, c'est obligatoire pour les deux, l'homme et la femme. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها وجب الغسل. Dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré quand est-ce que le ghusl est obligatoire. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. Dans ce cas, le ghusl c'est obligatoire. قال الشيخ ابن عثيمين: ومعنى جهدها أي جامعها. Donc dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité celui qui a des rapports avec sa femme, il doit faire le ghusl. Et كذلك sa femme, ils doivent se laver. Même s'il n'y a pas eu inzal, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. قال وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. Et dans un lafz de في صحيح مسلم, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Aïe, huna, c'est clair. Thumma qal, wa amma idha kana bihtilam. Deuxième cas. Et c'est pour ça que بعض الناس, fil haqiqa, ils confondent les deux cas. Al-ihtilam, c'est le fait de voir un rêve et le matin de trouver le liquide qui est sorti. Fa fi hadha al-hal, al-ghusl il est obligatoire. Donc ne pas confondre les deux cas. قال شيخ ابن عثيمين: وأما إذا كان باحتلام يعني احتلم أنه جامع ولكن لم يرى شيئا فإنه لا غسل عليه. الاحتلام donc il y a plusieurs cas. Le premier cas, أنه il fait un rêve, أنه il a des rapports, ثم il se lève le matin et il trouve rien, il y a pas de liquide qui est sorti. في هذا الحال il fait pas le غسل. لماذا؟ لأنه il n'a pas eu de rapport et deuxièmement il n'a pas éjaculé. Donc là chaque que les deux causes elles sont pas présentes, donc dans ce cas, il n'a pas fait le rousse. ثم قال رحمه الله: ولكن نعم ولكن لم يرى شيئا فإنه لا غسل عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فاشترط عليه الصلاة والسلام لوجوب الغسل أن ترى الماء. أم سليم رضي الله عنها لا demande au prophète عليه الصلاة والسلام: celui qui fait un rêve, est-ce qu'il doit faire le ghusl? Celui qui fait un rêve, bien sûr, il a des rapports. Est-ce qu'il doit faire le ghusl? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: na'am, avec cette condition, il doit faire le ghusl si le liquide il est sorti. Donc tu comprends, si le liquide il n'est pas sorti, tu ne fais pas le ghusl. Les ils ont mélangé, ils ont pensé que le fait que le liquide il sort et que l'insan il éjacule, c'est une condition pour le ghusl. Là, ça s'est fait l'ihtilam dans les rêves. Amma, lors d'un rapport, même si le liquide n'est pas sorti, il doit faire le ghusl. Hada, wallahu a'lam. Donc on a bien deux cas bien précis: al-jima', les rapports, et le rêve. Al-marji', liqa'at al-bab al-maftouh, al-mujallad al-thalith, la fatwa numéro 19, page 121. Walhamdulillahi rabbil alameen.